L'Institut de la réunification de la patrie a publié le 1er juillet le livre sur les crimes de violation des droits de l'homme de la bande de Pakonnet sous le titre « Nous dénonçons les crimes intolérables de la bande des traîtres sud-coréens contre les droits de l'homme et l'humanité ». Le livre dénonce en détail les crimes de terrorisme politique évoquant la dictature rénovée, les crimes d'étranglement extrême de la démocratie sans précédent, les crimes de la pire crise de la vie populaire, les crimes d'avoir transformé la Corée du Sud en société extrêmement instable, les crimes de discrimination inhumaine des couches sociales très faibles, les crimes ayant toléré les violations des droits de l'homme par les États-Unis et le Japon, et les crimes anti-humains commis en proie à la confrontation fratricide.